Et coucou Radio Joe, c'est Jazzy ce soir. Ah, coucou, c'est l'heure d'écouter des litres de salivant tous les troisièmes lundis du mois en direct à 20h30 sur le 89.5. Ah, des litres de salive, c'est une émission féministe qui parle de sociologie, de l'intime, de l'amour, des relations affectives, des rapports de pouvoir, des oppressions systémiques. Oh oui, comme c'est romantique. Et ce soir, on va parler de sexualité dans des litres de salive. Oui, bon, bah, comme quand même un petit peu souvent. Des litres de salive pour faire glisser des mots, pour humecter des muqueuses, lécher des plaies et cracher sur l'amour. Et on cracherait dessus jusqu'à le réhydrater, jusqu'à ce que le petit haricot sec, radin, hétérocentré, hétéronormé, hétérochiant, devienne un joli truc tout palpitant, luisant, doux et rebondi qu'on aurait envie de glisser entre nos lèvres. Et l'émission de ce soir, elle fait plus ou moins suite à l'émission du mois dernier qui traitait du stigmate, de la salope. Et vous pouvez trouver le podcast sur le site de Radio Dio. Ou peut-être vous pouvez trouver mon blog Arte Radio qui s'appelle Des litres de salive. Mais peut-être vous allez y arriver. Mais pour l'instant, il apparaît pas du tout quand je tape dans les recherches. Mais bref, voilà. Allez sur le site de Radio Dio plutôt, je pense. Aujourd'hui, donc, on reste du côté chagasse de la vie et on va se concentrer sur les pratiques, les penchants, les vécus hors normes, avec un peu de philosophie autour de la subversion, de la pseudo-subversion, tout ça, des réflexions autour de la sortie des normes en matière de pratiques et d'orientation sexuelle, surtout bah, quand on est une meuf, et on va parler de la non-monogamie. Du pluripartenariat, on peut dire aussi. Enfin, voilà, vous avez compris. Comme d'hab, je développerai plutôt sur des sujets qui me concernent, même si j'aborde le fait de sortir des normes sexuelles en général et que je peux partager des bouts de témoignages qui ne correspondent pas à mon propre vécu, mais qui par ailleurs sont pertinents. On va faire une mise au point rapide sur sexualité et marginalité. Alors, accrochez-vous, c'est vraiment le résumé de l'extrême. D'abord, la grosse référence de la sociologie de la marginalité, c'est Howard Baker qui décrit les parcours de vie des musiciens de jazz et des fumeurs de cannabis dans les années 50. Il parle de la déviance dans son bouquin Outsiders en faisant une typologie selon la perception de la société, la réalité des comportements et le fait de dissimuler sa déviance ou pas. Il aborde la relativité des normes selon les groupes sociaux auxquels on appartient, le fait que ce qu'il appelle les carrières déviantes puissent résulter d'un contexte social aussi. Et bah, en gros, la déviance, c'est ce qui sort des normes, de ce qui est accepté sans sourciller par le groupe social, la société en général. La socio de la sexualité, quant à elle, elle va étudier les normes en matière de sexualité, leurs limites, les valeurs associées aux comportements et aux orientations sexuelles, les sanctions sociales appliquées pour une sortie des normes, et en miroir, la validation liée à la conformité aux normes en matière de sexualité. Bon, entre autres trucs, hein, voilà, c'est jamais exhaustif de toute façon ce que je dis là. Et il y a une norme d'hétérosexualité et de monogamie. Je sais pas si vous avez remarqué. Cette norme, même si elle connaît quelques souplesses selon les personnes et les contextes, elle est quand même bien là pour nous faire chier. Et cette norme est historiquement construite et elle permet de maintenir une hiérarchie entre les groupes sociaux qui s'y plient, qui ont besoin de s'y plier, et les autres. Et elle participe aussi à la hiérarchie entre les individus selon leur genre. Voilà. Et ça, c'est pour les cadres relationnels et orientation sexuelle. Au niveau des pratiques, il y a entre autres ce qu'on appelle le script sexuel. Donc pour ça, il faudra voir un bouquin de John Gagnon qui s'appelle « Les scripts sexuels » et qui décrit. Et alors, en gros, le script sexuel, c'est alors bisous, voilà, on met la langue, tout ça, câlin, enlevage de vêtements, on se tripote, on touche la poitrine des meufs éventuellement, on se tripote le sexe mutuellement, et ensuite, peut-être un peu de sexe oral, voilà, si on a de la chance, et à la fin, le moment tant attendu, c'est le moment de la pénétration vaginale avec le pénis, et hop, ça fait des chocs à pic, et orgasme masculin, et puis rideau. Donc ça, c'est la norme en matière de script sexuel, de comment se déroule un rapport. Alors, bien sûr, ça ne correspond pas à tout le monde. D'ailleurs, il y a des chances que ça corresponde à personne tout le temps, en fait. Mais bon, bref. Ça correspond pas aux sexualités pas hétéra, déjà. Ça correspond pas aux personnes qui peuvent pas faire de pénétration pour des tas de raisons. Ça correspond pas aux personnes qui ont des pratiques de kink divers. Ça correspond certainement pas, en fait, voilà, à plein de moments de la sexualité, d'un peu vraiment beaucoup de monde. Et pour prendre un exemple, prenons l'injonction à la pénétration. L'injonction à la pénétration, la norme, tout ça. Sauf que, eh ben, dans l'enquête, la grande enquête sur la sexualité en France de 2006, déjà, celle qui précède celle qui est sortie il y a pas longtemps, là. Donc déjà dans cette enquête, quand on va regarder les chiffres sur les rapports hétéro et la pénétration, eh ben, il y a 35,4% des meufs et 44,7% des types qui déclarent avoir souvent ou parfois eu des rapports non pénétratifs avec un nouveau partenaire sexuel. Et il y a des pourcentages assez élevés quand on prend d'autres types de partenariats, voilà, les partenariats cohabitants, etc. Donc c'est un exemple, mais qui peut montrer que la norme, c'est pas hyper stricte dans ses applications concrètes. Et dans la vraie vie, bien sûr, il y a des écarts à cette norme, mais c'est une norme parce qu'elle reste la référence, un modèle, le cadre. C'est ce qu'on est censé faire et vers quoi on doit tendre pour se sentir intégré, tout ça. Bon. Grâce à donc la fameuse dernière enquête, celle qui est sortie, les résultats commencent à sortir depuis la fin d'année dernière, il me semble. Donc cette enquête sur la sexualité en France, on sait que par exemple, tous les gens ont des pratiques plus variées qu'avant, un plus grand nombre de partenaires dans leur vie et surtout les meufs. Que la satisfaction sexuelle des meufs a augmenté sur les dernières années, qu'il y a beaucoup plus de meufs qui se déclarent pas hétéra. Enfin voilà, la norme, elle bouge, elle évolue. Mais bon, quand même, l'hétérosexualité monogame en couple, eh ben, c'est la majorité, le modèle encore en place. Qui pue. Allez, petite pause musicale, hein, et on va parler de pratiques sexuelles qui évoluent. Et de mettre la pression aux gens. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est Shadies, Maureen et Mikado avec Cuny. Shadies, arrogante comme d'hab. Mikado. Si tu ne fais pas de Cuny, t'auras pas mes fesses. Si tu ne fais pas de Cuny, t'auras pas de sexe. Si tu ne fais pas de cunis, t'auras pas mes fesses. Si tu ne fais pas de cunis, t'auras pas de sexe. Yo, kadi, femme, ça pas bon, mais les bougla, papi. Bon, j'en ai qu'à trembler, higa, moi, cocotte, la carne, yo, couillon. Yo, kadi, femme, ça pas bon, mais les bougla, papi. Bon, j'en ai qu'à trembler, higa, moi, cocotte, la carne, yo, couillon. Higa, c'est moi qui ou fatigué, moi, monté en l'air, et ou pas mandé, moi, pour arrêter, ou de pas ça assimé. Moi, vini pour moi, coquet, donc, fuck, ou bas, moi, bien souplé. Moi, vini pour moi, coquet, donc, fuck, ou bas, moi, bien souplé. Si tu ne fais pas de cunis, t'auras pas mes fesses. Si tu ne fais pas de cunis, t'auras pas de sexe. Si tu ne fais pas de cunis, t'auras pas mes fesses. Si tu ne fais pas de cunis, t'auras pas de sexe. Sa meuf l'appelle mais rien à foutre. Embouté à chou l'autoroute. Dans terrasse et ija à bout. Qui t'es jalé qu'elle m'embaye tout. Ija besoin lécher chaque goutte. C'est moi il est hypani doute. C'est moi il est hypani doute. C'est moi il est hypani doute. Alors, tu veux ou tu veux pas? Regarde ce qu'il y a en bas. Ou sinon tu rentres chez toi. Ne me parle pas de fesses si tu ne me fais pas de la lèche. Tibouk ou pessa vex. Moi les en vrai pas bas moins stress. Si tu ne fais pas de cunis, t'auras pas mes fesses. Si tu ne fais pas de cunis, t'auras pas de sexe. Si tu ne fais pas de cunis, t'auras pas mes fesses. Si tu ne fais pas de cul, ni t'auras pas de sexe. Si panique ni panique lambi, parete la ti cochoni. Ou pas même fouti, fais moins jouer. Parete la ti cochoni. Si ou les mains bend down, fais l'angou fait up down. Si ou les mains bend down, fais l'angou fait up down. Les ou kawe j'en moins envie, faudrait que ou vini goûter. Si ou reste à man s'en foutre, manger juste à temps ou tout fait. Pas de cul ni ben pas de sexe, chérie si ou vex ou pévex. Pas de l'eau mais on compte l'eau contre ex, ça devient facile, ça pas complexe. Si tu ne fais pas de cul ni t'auras pas mes fesses. Si tu ne fais pas de cul, ni t'auras pas de sexe. Si tu ne fais pas de cul, ni t'auras pas mes fesses. Si tu ne fais pas de cul, ni t'auras pas de sexe. Et on est toujours sur le 89.5. On va parler de ce que c'est de sortir des normes sexuelles en tant que meuf. Donc lorsqu'on s'écarte de façon effective des normes concernant la sexualité, lorsqu'on ne correspond pas au modèle hétérosexuel monogame par nos pratiques, on se retrouve exposé à de la stigmatisation. Donc au fait de sortir de la catégorie meuf comme il faut par exemple, bah, ça rend marginal. Ça a des effets sur la légitimité, la valeur perçue en tant qu'humain par nous-mêmes et par les autres. Et puis ça a des effets sur notre sécurité, hein, tout simplement. On se retrouve surexposé à des comportements abusifs, voire à des agressions physiques. Et la marginalité, elle va surexposer à la violence et aux discriminations de façon générale. D'autant plus et de façon spécifique si, à la base, on appartient à une catégorie sociale opprimée. Youpi ! Alors, les meufs, elles subissent des pressions et des stigmates dans le domaine de la sexualité. Et les normes qui concernent leur comportement sont différentes de celles qui concernent les types. Au moins à certains égards, enfin, un peu de partout. Et la marginalité, elle, pour en revenir à ça, elle fragilise de deux façons. Elle va priver de certaines ressources, comme le confort social, le sentiment de légitimité et de sécurité. Et aussi, elle va exposer à des comportements qui vont être là, actifs, donc des comportements discriminants, irrespectueux, jusqu'à des comportements de violence. Les deux, donc la privation et l'exposition à des comportements se confortent et se renforcent mutuellement, bien sûr. Alors je vais parler des meufs donc, qui s'écartent des normes par leur sexualité et leur vie affective. Et elles ne sont pas seulement menacées d'une exclusion ponctuelle de la catégorie femmes respectables comme le sont toutes les meufs. Elles s'écartent de façon effective de la norme par des pratiques, des choses qu'elles font vraiment. Et on peut identifier plusieurs critères pour désigner les femmes qui sont hors normes quant à leur sexualité. Critère numéro 1, ça va être le type de relation entretenue. Donc, par exemple, la non-exclusivité, la sexualité hors d'un cadre amoureux, le célibat, tout ça, c'est un peu hors normes. Le sociologue Gagnon, celui des scripts de la sexualité, là, il reprend ce concept dans le cadre de la vie sexuelle et il évoque une sexualité de femme non liée pour parler des femmes qui vivent une sexualité en dehors du couple exclusif hétérosexuel, par exemple. Ensuite, on va avoir un autre critère qui va être le critère de l'orientation sexuelle, donc le lesbianisme, la bisexualité. Avoir une sexualité sans les types ou potentiellement sans les types, ça expose à des discriminations et à des violences. Donc on peut voir ça dans l'enquête sur la biphobie de 2016-18, l'enquête sur la biphobie assez récente qui est facile à trouver sur internet. On voit qu'il y a une surexposition aux violences de toutes sortes pour les meufs bi par exemple et pour les personnes bi en général. Et en plus, pour la bisexualité, il existe un soupçon spécifique de vie sexuelle débridée, d'infidélité, etc. Donc des stigmates plutôt de sociaux, culturels, etc. Et pour ça, on peut voir la brochure qui s'appelle « Deux fois plus de chances le samedi soir » qu'on trouve sur Infokiosque, qui est une brochure sur la biphobie en général. Et donc, il y a le critère de l'orientation sexuelle dont on vient de parler, et il y a un autre critère qui va être le type de pratique. Donc par exemple, le BDSM, la sexualité collective, toutes les pratiques qui sortent des normes du moment, parce que ça peut être mouvant, mais bon, globalement, quand même, c'est stable sur de nombreuses années. Donc voilà. Et on peut citer aussi comme critère le fait d'exercer le travail du sexe, donc pornographie, prostitution, etc. qui est particulièrement stigmatisant pour les meufs qui l'exercent. Donc il y a un seul critère qui suffit pour être marginalisé. Voilà. Donc le style de relation entretenue, l'orientation sexuelle, le type de pratique, on peut en avoir un seul, mais on peut en cumuler. Et le bénéfice de certains privilèges, comme la blanchité, l'appartenance à une classe sociale élevée, le fait, je sais pas, d'avoir plein de thunes, le fait de rentrer dans des critères de beauté conventionnels, tout ça, ça peut atténuer le stigmate et ses effets néfastes sur la vie. Mais alors, déjà, pas complètement en étant une meuf, pas toujours, ça dépend de chaque situation, de chaque interaction. Et la marginalité et ses conséquences, elles ont en plus un impact sur le psychisme et sur l'estime de soi. Allez, on va s'écouter à des lectures de 4 extraits de bouquins, des extraits qui sont autour de la thématique du coup de la sortie des normes pour les meufs. Isabelle Claire, les choses sérieuses. Dans les choses sérieuses, Isabelle Claire rencontre de 3 terrains différents sur lesquels elle a étudié la vie affective et sexuelle d'adolescents, adolescentes et jeunes adultes. Donc ces 3 terrains étant les cités d'habitat social, les zones rurales et la bourgeoisie parisienne. Et là, on va voir un extrait du chapitre qui s'appelle « Devenir une femme sans être une pute ». Bien sûr, l'amour entre filles ne peut pas être conçu simplement comme une alternative à l'amour hétérosexuel. Mais puisque l'hétérosexualité n'est pas seulement une préférence sexuelle parmi d'autres, mais la norme, la signification de l'expérience homosexuelle en dépend. Elle prenait sur mon terrain en partie sens et forme dans cette dépendance et revêtait des significations différentes selon le rapport des personnes à l'hétérosexualité, selon que celles-ci identifiaient un désir homosexuel depuis l'enfance ou qu'elles envisageaient la pratique homosexuelle comme un moment passager, voire une amorce de sexualité sans lendemain, ou bien qu'elles le concevaient comme une possibilité parmi d'autres sans réelle hiérarchisation des sexualités entre elles. Dans tous les cas, avoir des histoires d'amour avec des filles revenait, ponctuellement ou durablement, à se soustraire à la relation amoureuse avec des garçons et dès lors aussi au rapport d'appropriation qui la traversait. Comme l'écrit Monique Wittig, l'une des fondatrices de la pensée de l'articulation entre la sexualité et le genre, refuser de devenir hétérosexuel ou de le rester a toujours voulu dire refuser, consciemment ou non, de vouloir devenir une femme. La salope éthique de Janet Hardy et Dossie Easton. Un guide pratique pour des relations libres et sereines. Un univers impitoyable. Celles et ceux qui choisissent une vie non conventionnelle doivent s'attendre à ce qu'une grande partie de l'humanité ne les voit pas d'un bon œil. Même s'il existe des manières de se protéger contre certaines conséquences sociales, logistiques et financières, nous ne pouvons pas vous garantir à 100% qu'il n'y aura jamais de risque. Il n'est pas facile d'être facile. Vos ex, vos parents, votre belle famille ou toute autre personne ne partageant pas votre conception des relations plurielles se montreront probablement hostiles. Le gentil curé de la paroisse ne sera sûrement pas très conciliant non plus. Inviter vos 2 partenaires à la soirée annuelle de l'entreprise n'est peut-être pas une bonne idée si vous voulez négocier une promotion. Soyez prudent à l'heure de révéler votre choix de vie. Nous savons bien que vous nagez dans le bonheur et que vous aimeriez partager votre joie avec le monde entier, mais n'oubliez pas que ce qui est dit et que cela ne rentre pas dans l'oreille d'un sourd. Nous connaissons des gens qui ont perdu leur travail, la garde de leurs enfants, voire plus, tout simplement parce que les mauvaises personnes avaient appris leurs préférences sexuelles. Et un autre extrait d'un commun accord. Les relations les plus épanouissantes, de la simple liaison au mariage monogame de toute une vie, reposent sur quelques présupposés qui sont en fait des accords tacites. En gros, vous n'embrassez pas le facteur et vous ne donnez pas de pourboire à votre mère. Ce sont les règles implicites que nous apprenons très tôt, de nos parents, de nos amis et de notre culture. Ceux qui enfreignent ces règles sont considérés comme bizarres, voire fous, parce que nous avons si profondément intériorisé les valeurs et les jugements qui se cachent derrière elles que nous n'avons même pas conscience d'avoir passé un accord. Dans de nombreuses relations quotidiennes, comme avec vos voisins et vos collègues, c'est probablement une bonne idée de pouvoir se reposer sur ces règles implicites. Mais lorsque vous faites l'expérience de quelque chose d'aussi complexe et novateur que le polyamour éthique, il est important de ne rien considérer comme acquis. Discutez avec votre entourage de ces accords et négociez les conditions, les circonstances et les comportements qui assureront la satisfaction de vos besoins. Et sachez respecter les limites de chacun. Gail Rubin, Le péril cuir, un article dans l'ouvrage Surveiller et jouir. Dans cet extrait, elle témoigne de sa propre expérience personnelle et de sa jeunesse. J'ai fait mon premier coming out il y a plus de 10 ans, lorsque j'ai compris à l'âge de 20 ans que j'étais lesbienne. J'ai dû en faire un autre quelques années plus tard comme sadomasochiste. Les points communs et les différences entre ces deux expériences ont été extrêmement instructifs. Dans les deux cas, plusieurs mois se sont passés où je pensais que j'étais sûrement seule au monde dans ce cas. Et ce fut une surprise agréable que de découvrir que de nombreuses femmes partageaient mes goûts. Le début, dans un cadre comme dans l'autre, a été aussi angoissant qu'exaltant. Mais mon second coming out a été incroyablement plus difficile que le premier. J'ai fait mon coming out comme lesbienne au moment où un discours négatif sur l'homosexualité, produit des guerres menées contre les gays dans les années 50, se désagrégeait. Je n'ai pas eu à connaître l'homophobie au sommet de sa puissance. Bien au contraire, quand on était un bébé gouin en 1970, on se sentait très sûr de soi. Non seulement l'on savait, et on s'en délectait, que l'on n'était pas une perverse dégoulinante, mais en plus, les motifs politiques donnaient à notre sexualité une consécration toute particulière. Pour ces raisons, je n'ai jamais vraiment compris ce qu'avaient vécu les homosexuels qui avaient dû faire face à un mépris constant. Mon coming out comme sadomasochiste m'a appris de façon inattendue ce qu'avaient dû ressentir mes ancêtres gays. Je suis une jeune sadomasochiste à une époque où, dans le cadre plus large de la reconsolidation des idéologies anti-sexe et anti-gay, se forme une nouvelle diabolisation du SM. Ce que je décris là se produit dans la société au sens large, aussi bien que dans le mouvement féministe. 1970 est bien loin pour quelqu'un qui voit de jour en jour sans les dire les portraits qu'on fait de ses amours, qui vit dans la crainte d'être arrêté et qui se demande comment tout cela va finir. C'est particulièrement accablant lorsqu'on songe que l'offensive est menée par un mouvement qui était progressiste il n'y a pas si longtemps et dans lequel on a passé toute sa vie d'adulte. Être une sadomasochiste féministe en 1980, c'est comme être un homosexuel communiste en 1950. Quand la gauche condamnait l'homosexualité et la décrivait comme une décadence bourgeoise, bien des homosexuels ont été chassés des organisations politiques progressistes. Quelques-uns parmi eux fondèrent la Matakin Society. Aujourd'hui que, de la même façon et pour des pans entiers du mouvement féministe, le SM est un infâme sous-produit du patriarcat, il devient de plus en plus difficile pour celles d'entre nous qui sont féministes de rester membres de la communauté féministe. Devenir chienne, Itziar Arsiga. Quand tu as un décolleté qui descend plus bas que ce qu'impose la décence et que tu veux en même temps qu'on respecte ta volonté, c'est un vrai défi. Nous, les chiennes féministes, avons dû trouver et développer des milliers de stratégies d'auto-affirmation et de défense. Nous nous situons, et le plus souvent consciemment, dans un endroit confus pour le regard patriarcal, à la croisée des chemins du genre. Et nous nous fixons là, déjouant ce que l'on attend de nous. Comme je l'affirmais plus haut, nous avons la réplique facile, et nous sommes souvent d'une humeur de chienne. Je commençais à sortir en soirée et c'était l'angoisse, m'a raconté Majo. Je sentais que d'un côté, j'arrivais à m'octroyer un certain pouvoir en jouant de cette performance, mais qu'en même temps je me faisais emmerder. Je sortais avec des pompes compensées, recouvertes de peau de serpent qui montaient jusqu'aux genoux, une doudoune et les cheveux crêpés, je gobais un trip, et je voulais parler à personne. Des relous m'abordaient en permanence, et je leur disais de me laisser tranquille, que j'étais pas là pour qu'ils me draguent. Une nuit, un mec m'a dit que me saper comme ça, ça revenait à envoyer un message « je veux du sexe », et que je ne pouvais pas me plaindre s'il me draguait parce que mon apparence était une invitation. C'est devenu une emmerde permanente, les mecs en soirée, les amis qui se demandent s'ils veulent pas juste baiser, les amis qui arrêtent de te parler du jour au lendemain parce qu'elles pensent que tu vas draguer leur mec. Ça me paraissait très superficiel et je comprenais pas ce manque de respect permanent à l'égard d'une personne qui voulait juste avoir cette apparence. D'écouter le groupe Slut Intent, que ça peut se traduire par intention de traîner, et avec le morceau Hand Sanitizer. Voilà. On va passer à un moment de chronique culturelle. Une chronique culturelle qui va parler de l'image des pratiques sexuelles hors normes dans, on va dire, la culture mainstream. Voilà, la culture mainstream. Et est-ce que vous savez ce que c'est le point commun entre la série étiquetée trash The Boys, qui parle de fascisme, de super-héros et héroïnes, et le point commun donc entre The Boys et la comédie romantique française intitulée Jamais le premier soir, avec Alexandra Lamy et Jean-Paul Rouve? Oui, c'est bizarre, oui, mais il y a bien un point commun qui n'est absolument pas glorieux, voilà. Alors, pour les personnes qui ne connaîtraient pas The Boys, c'est une série tirée d'un comics qui parle de super-héros et héroïnes qui sont modifiés génétiquement. Certaines sont prises sous l'aile d'une grosse entreprise qui s'appelle Vought et qui s'occupe de manager leur image, faire des films, des thunes, de monter des trucs pour qu'elles sauvent des personnes et de dissimuler des violences commises par elles, tout ça, tout ça. Il y a l'un des héros de l'entreprise qui est tellement puissant qu'il fait atrocement flipper le monde entier. Et il y a les personnages principaux des gentils, on va dire, enfin des soi-disant, enfin bref, ils sont pas vraiment gentils, mais qui essayent de récupérer le contrôle sur lui par divers moyens, de le buter, enfin bon, voilà. les thématiques principales au fil des différentes saisons, on peut dire que ça serait les violences masculines et les masculinités, la montée du fascisme, les relations abusives, coercitives, les violences psychologiques, etc. Même si, sur les dernières saisons, c'est un peu plus vague, il y a moins une thématique générale, je trouve, mais enfin... Bref, cette série, elle a une esthétique hyper gore, il y a des gens qui explosent, enfin, il y a au moins une partie des lieux qui explosent, comme la tête, et il y a des bateaux qui rentrent dans des baleines, oui, dedans, et on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est... pas très mystérieux, quoi. Y a des membres arrachés, évidemment, mais aussi des super-pouvoirs situés dans des zones proches de l'anus, des relations à la sexualité qui sont malsaines, qui sont violentes, et des moutons zombies volants qui attaquent les gens comme ça. Et bon, alors, c'est hyper sympa, c'est hyper distrayant, c'est cathartique, tout ça. Là, voilà, on s'amuse bien. Les scènes de baston, elles sont très bien réalisées en général. Les personnages, ils sont ambivalents, il y en a qui sont attachants, tout ça. Et concernant même la sexualité, il y a des choses vraiment pas trop mal fichues sur les violences sexuelles, notamment. Des trucs positifs de parcours de meufs qui s'en sortent, qui reprennent leur vie et leur santé mentale sans que ça soit simple ou caricatural. Globalement, les violences sexuelles sont assez bien traitées. Il y a un personnage de McBee qui est pas tellement caricatural. Oui, en fait, il est un peu caricatural parce que quand même, il est bi et il fait la trahison. Et ouais, non, en fait, il correspond un peu au cliché des personnes bi, double face et compagnie. Et puis, il est censé être français, mais comme dans beaucoup de séries et de films états-uniens, eh ben, ils prennent des personnes qui parlent français avec un accent anglais à couper au couteau. C'est vraiment pas du tout crédible. Avec le budget qu'ils ont, franchement, ça serait sympa de faire un petit effort parce que... Enfin, oui, bon, on s'en fout. Donc, dans cette série, c'est pas trop à côté de la plaque et pertinent sur pas mal de trucs, mais, il y a un petit souci qui me fait un agacement assez intense. C'est que les pratiques sexuelles hors normes, ce sont celles des méchants. Toujours. Toujours, c'est les méchants. Tout ce qui est hors normes, c'est les méchants. Et ça sert même à caractériser leurs personnages et à les identifier comme méchants. Je vais donner quelques exemples. Donc dans la saison 4, il y a un personnage qui arrive à se démultiplier à l'infini. Un personnage qui est lâche, une espèce de serviteur, admirateur d'une méchante, très méchante. Et dans une scène, il y a une porte de vestiaire qui s'ouvre et ce personnage s'est donc démultiplié pour se multi-bouffer le cul à la chaîne. Et bon, c'est en référence à certains trucs qui sont dégueulasses. Hein. C'est vraiment pas filmé pour qu'il soit à son avantage. Hein. Enfin, il fait ça en regardant une photo de la meuf qui veut, pécho. C'est ridicule. C'est assez pitoyable. Et l'esthétique, elle est vraiment à l'opposé d'une quelconque sensualité. Quoi. C'est vraiment fait pour inspirer le dégoût. Donc voilà. Sexe anal, pluripartenaire. Alors, techniquement, c'est le même mec, donc c'est pluripartenaire ou masturbatoire, si vous voulez. Hein. Mais c'est moche et Burke, le vilain, pratiqué par un personnage du camp des méchants, et en plus, il fait pitié. Toujours dans la saison 4, on a un personnage manipulateur et ultra-bourge qui s'appelle Ted Knight. Et voici une citation du réalisateur dans le magazine Première à propos d'un truc qui se passe chez Ted Knight. Ted Knight était déjà apparu comme un monstre. Donc nous étions déjà à mi-chemin vers le donjon sexuel, se marre Eric Kripke. Voilà, il se marre. Donc dans la vraie Batcave, il fait très sombre et il y a déjà des combinaisons en caoutchouc partout. Ce n'était pas compliqué d'imaginer y ajouter quelques godes et autres masques. Surtout que dans les bandes dessinées The Boys, il y a une superbe histoire dans laquelle... Yui, parenthèse, Yui c'est un des personnages principaux des gentils, dans laquelle Yui s'infiltre déguisé en super-héros et Jack Quaid voulait la faire. Alors on a pensé à envoyer ce Web Beaver. Yui, un des héros dans cette scène, est déguisé en super-héros qui a un pouvoir de toile d'araignée. L'idée d'avoir Spider-Man qui descend pour se faire chatouiller dans la Batcave était tout simplement trop belle pour la laisser passer. Voilà, hein, c'est la fin de la citation. Alors, on peut noter aussi, hein, accessoirement, que dans la scène qui se déroule dans le donjon et dont parle le réalisateur, le personnage de Yui est agressé sexuellement. Donc, perso, je vois pas ce qui est si marrant. Hein. La scène, elle est assez ridicule. Elle semble filmée pour faire rire, d'ailleurs. Et c'est quand même hyper... Enfin, c'est pénible, quoi. C'est horrible. Et dans le comic, apparemment, il y a cette scène. Alors, moi, j'ai pas lu le comic, mais dans les commentaires que j'ai trouvés, c'était plutôt fait à la base pour aborder le sujet des hommes victimes de violences sexuelles et dénoncer ça. Mais on retrouve pas, à mon sens, cet aspect dans la série qui semble juste reproduire les pires lieux communs, hein, aussi dans son traitement de ces violences, en les montrant sous un aspect comique. Mais oui. Et donc le gros méchant qui a un donjon sexuel, oulala, Ted Knight, il aime le latex et le BDSM. Le BDSM étant dans cette série confusément un truc qui se fait pas forcément avec des personnes consentantes. Et les agresseurs et les sadiques sont allègrement assimilés à des amateuristes de BDSM en général. Enfin voilà, les sexualités hors normes, c'est pour les méchants. Et les méchants, ils sont tordus sexuellement et on les repère comme ça, voilà. Il y a aussi, alors ça c'est dans la saison 3, une histoire de la partouze, hein, des super-héros. Donc il y a certains personnages de gentils qui se retrouvent dans une partouze. C'est un truc apparemment organisé par des super-héros. Et ils y vont parce qu'ils enquêtent, ils ont besoin de voir des gens qui seront là-bas, etc. Donc, alors les organisatrices de la partouze, c'est un frère et une sœur jumeaux. Alors déjà c'est pas du tout creepy, voilà, tout va bien. Les super-héros qui y vont pour participer à la partouze, ben c'est des super-héros un peu nullos, avec des pouvoirs pas merveilleux. Il y a aussi la mention de la présence de travailleuses du sexe dans la partouze. Juste le temps de dire qu'elles sont maltraitées, et c'est le seul truc qui est dit sur elles. Du coup, c'est un peu gênant, parce que ça instrumentalise la présence de TDS pour montrer que les partouzeurs sont des vilains. Après, elles existent à aucun autre moment, et dans la série en général, pas trop, hein, pas du tout même, je crois. Voilà, donc une instrumentalisation des TDS. Ce qu'on voit de la partouze, par ailleurs, c'est assez inintéressant. Hein. Alors là, on n'a pas le côté où c'est montré pour être juste dégueulasse, hein, mais c'est, on dirait, des scènes de porno ultra basiques. À part peut-être une ou deux images où on voit des mecs ensemble, mais c'est très rapide. Hein, et c'est dans une esthétique voilà, hyper lisse, avec que des physiques conventionnelles, surtout ceux des meufs. Et c'est froid, enfin voilà, ça sent le plastique vachement plus que la peau et la salive. Enfin, c'est naze, quoi, voilà, c'est naze. Mais donc cette série nous fait réfléchir que bah, trash, ça signifie pas forcément que ça soit subversif. En tout cas, en ce qui concerne les sexualités. Et si les sexualités à côté des normes sont systématiquement montrées comme pratiquées par des personnages affreux et ridiculisées, et que, en plus, la sexualité des personnages de héros et héroïnes, c'est toujours de la sexualité vanille, ou alors éventuellement pas montrée, eh ben c'est plutôt un rappel à certaines normes. Du coup, c'est le contraire de subversif, techniquement. Vous voyez ? Ouais. C'est pas le fait que ce soit trash, le problème. C'est le fait de toujours associer certaines pratiques sexuelles à quelque chose de ridicule, de violent, de mauvais, de malfaisant. Et... je veux pas dire, mais quand même, c'est un truc de gros coincé du cul de faire ça. Et puis, c'est même de droite. Voilà, c'est de droite. En parlant de trucs nuls, venons-en au deuxième film, qui s'appelle donc « Jamais le premier soir », comédie romantique française. Ta-da-da ! Alors bon, l'histoire, c'est une meuf qui galère avec ses histoires d'amour, elle se fait larguer tout le temps, ou tromper, enfin bref, elle en chie, quoi. Et elle tombe dans le développement personnel, quoi, en mode vénère, elle achète tous les bouquins qui en parlent, elle va à des conférences, à des séminaires, tout ça, et au bout d'un moment, elle rencontre un type qui est dans ce milieu, et ils ont une histoire. Évidemment, le gars est un affreux faucheton, bah ça, voilà, à la limite, dans le développement personnel, je veux bien, mais bon... voilà, il se sert du fait d'être dans le développement personnel pour arnaquer amoureusement les meufs, mais, eh bien, aux surprises, ce type, il aime pratiquer le sexe à plusieurs, et il surprend l'héroïne en l'amenant chez lui en plein milieu d'un rendez-vous de sexualité collective. Et ils arrivent pour ce qu'elle, elle imagine être un dîner romantique, elle n'est pas prévenue, mais en fait, il y a plusieurs couples sur les canapés qui se font des trucs et puis des machins. Et elle est pas contente. Mais bon, ça, c'est bien normal, parce que c'est pas le genre de truc qui est appréciable quand c'est une surprise absolue et que l'intérêt de la personne pour ce genre de truc a pas été checké avant. Le gars lui dit qu'il la comprend pas, que c'est un cadeau qu'il lui fait, qu'elle est fermée d'esprit. Et ça, à la limite, c'est intéressant parce que ce truc de dire que pour être émancipée et vraiment libre, elle devrait être ouverte à de la sexualité qui ne l'intéresse pas elle, mais qui l'intéresse lui, bah malheureusement, c'est un truc assez courant dans les relations abusives, ce type de manipulation. Donc ça, ça aurait pu, mais eh ben oui, il y a une limite à la justesse des comédies romantiques françaises, c'est incroyable, hein, c'est fou. Donc déjà, la scène, bon, elle est très mal faite. Et si ça voulait dénoncer une forme de manipulation, il faudrait peut-être que ce soit crédible, subtil, que les gens jouent correctement. Non, c'est français, bref. Mais non. Mais ensuite, on dirait vraiment un prétexte pour montrer des meufs à poil. Et surtout, dernier élément, le plus important, c'est que ce qui est choisi pour le dévoilement du fait que le gars est un connard, ce qui est mis en avant, c'est pas une tromperie, une trahison avec une autre personne, le fait qu'il soit manipulateur, tout ça, c'est au second plan. Ce qui le fait ressortir comme un connard, c'est sa pratique d'une sexualité collective, qui semble poser le plus gros problème. Pas qu'il l'ait caché, qu'il mette la meuf dans une situation hyper nulle. Non, non, c'est cette pratique en elle-même, et ça transparaît dans les conversations du personnage féminin avec ses copines dans toute la suite du film. Et en plus, les personnes présentes à la partouze, elles sont montrées comme complètement stupides et ridicules, ne se rappelant pas de leur prénom mutuel. Une des meufs à poil se fait carrément gifler par l'héroïne, et c'est montré comme étant un truc hyper drôle, en fait. Voilà. Vous me direz, quand même, c'est bien fait pour ma gueule, qu'est-ce qui m'a pris de regarder une daube pareille ? Eh bien, des fois, on a envie de familiarité douteuse et basse du front. Des fois, on est fatigué, voilà. Et chacun son kink. Et non, je vais pas encore sortir l'excuse de l'intérêt sociologique, mais n'empêche, ces deux productions culturelles qui n'ont absolument rien à voir, elles se rejoignent quand il s'agit de stigmatiser les sexualités hors normes, de les pointer comme signe que les personnes sont des vilaines, oulala, pas gentilles, personnes avec forcément des désirs tordus. Et je reviendrai brièvement sur la pseudo-subversion dans The Boys. Pseudo-subversion, c'est parce que ça montre quand même du cul, des pénis de 8 mètres, des éjaculations monumentales du sexe collectif, ça reprend l'esthétique et des pratiques BDSM. Mais tout ça est utilisé uniquement comme outil narratif qui met en avant le ridicule et la méchanceté de certains personnages, et ça renforce le stigmate pesant sur les pratiques sexuelles alternatives. Voilà, la pseudo-subversion, ça serait ça. On dit ce qui ne dit pas, ce qui se dit pas, on montre ce qui se montre pas, donc c'est transgressif, mais c'est pas pour s'ouvrir à autre chose, c'est juste pour répéter que c'est mal, ou dans une démarche de dévalorisation et de stigmatisation de toujours les mêmes, hein. Hein, voilà. Si tu penses que les insultes homophobes et la misogynie, c'est subversif, tape dans tes mains. Et voilà. Allez, on va éviter de glisser dans une autre conversation sur ouin ouin, on peut plus rien dire. Pour l'instant, je vais me maîtriser. On va faire une petite pause musicale. On va écouter Cocaine Peace avec Sex Weirdos. Sex Weirdos, ça veut dire les bizarroïdes sexuels, quoi. We'll be right back. Et on va s'écouter un extrait d'un article de Sandra Roubin. C'est un extrait qui va parler des modèles alternatifs et du pluripartenariat. Et on va passer sur cette thématique-là. C'est parti. Sandra Roubin, le polyamour, un mode de relation féministe ? On l'a vu, les femmes ont tendance à être maintenues dans une situation de dépendance économique et affective vis-à-vis des hommes. Leur travail fourni gratuitement à l'intérieur du ménage continue de leur être extorqué, etc. En outre, la variable monogame tend à limiter l'intérêt et l'investissement des personnes au cocon que représente la famille nucléaire. L'exclusivité et la possession, présentes de manière variable dans les relations de couple, peuvent être considérées comme une forme d'atteinte invisible à la liberté et à l'autonomie des personnes. Notamment parce qu'elles réduisent la possibilité de s'ouvrir sur l'extérieur et de développer un large réseau de relations. Sur un plan plus large et plus directement politique, parce qu'elle met les femmes en concurrence et les divise, la monogamie hétérosexuelle à tendance néolibérale les empêche de faire lien, de créer des réseaux de sororité qui sont primordiaux pour la lutte des droits des femmes. Dans ce contexte, le cadre de valeurs et de pratiques du polyamour permet d'interroger le côté relativement individualiste de la manière dont fonctionnent les ménages. La société capitaliste nous a en effet poussés à penser que nous devions seuls prendre soin de nous, de l'éducation de nos enfants, de la préparation des repas, etc. Alliée à la monogamie, elle est un frein au développement de réseaux de solidarité et à l'élaboration de conceptions différentes du vivre ensemble. On pense par exemple à la vie en communauté que propose de faire famille autrement et de suivre des schémas différents que ceux permis par le modèle de la famille nucléaire. L'ouverture des possibles relationnels que propose le polyamour est une invitation à créer davantage de liens de solidarité entre individus à différents niveaux, dans la gestion des tâches ménagères, dans l'éducation des enfants, des liens qui sont autant d'enrichissements mutuels entre les personnes et qui augmentent les chances de développer collectivement divers projets politiques, culturels, etc. Cette nouvelle manière de penser permet également de remettre en question l'institution travail et le capitalisme qui nous englue dans des rôles aliénants de subordination et de se réapproprier la notion de travail notamment en réinterrogeant l'équilibre au sein de nos vies entre activités rémunérées d'une part et activités non rémunérées mais créatrices de liens et de bien-être social, d'autre part. Le polyamour n'est bien sûr pas une solution miracle. D'une part, tout comme il le permet pour des normes liées à la monogamie, d'autres outils peuvent vous permettre d'interroger les différents systèmes qui structurent nos vies, tels que le genre, la race, la classe, et de mettre en lumière leurs défaillances, et de conduire à des propositions alternatives plus égalitaires. D'autre part, quelques autrices ont déjà dénoncé certains aspects normés du polyamour, tels son entre-soi. Le but n'est donc pas ici d'en faire l'apologie, mais plutôt de proposer l'outil qu'il constitue, afin que les lectrices puissent s'approprier comme elles l'entendent les concepts qui leur semblent intéressants et décider en connaissance de cause la façon d'être en relation qui leur convient le mieux. Et voilà, donc le pluripartenariat, le polyamour, tout ça. Alors, bah, les relations exclusives, elles font partie des pratiques pour, et des cadres relationnels pour lesquels les meufs vont être spécifiquement stigmatisées. Mais il n'y a aucune pratique, elle le disait dans son texte un petit peu, il n'y a aucun cadre relationnel qui est subversif en soi. Subversif dans le sens où ça nique les normes établies, ça les secoue comme ça, là, ça les chamboule avec un autre point de vue, système, fonctionnement, tout ça. En fait, ça marche pas si on précise pas la façon dont c'est mis en place, comment ça se passe vraiment. Dans ses vidéos, la youtubeuse Cat Black, elle parle beaucoup de ses relations polyamoureuses. Et elle est dans des relations non exclusives, hein, dans un milieu un peu, je dirais, artistoïde BDSM Los Angeles, quoi, voilà. Et dans pas mal de vidéos, elle raconte une reproduction des oppressions qui la touchent dans le cadre de ses recherches de partenaires amoureux et sexuels, qui sont pourtant tous des personnes polyamoureuses, non exclusives et compagnie. Et elle montre que bah, elle va vivre de la transphobie, elle va vivre du racisme, de la fétichisation, avec des partenaires polyamoureux ou dans le cadre d'événements sex-positifs et compagnie. Donc c'est pas politiquement très cadré comme comportement ou environnement. Les espaces safe, ça n'existe pas, hein, ok, on est d'accord. Mais là, il y a quand même une petite différence, enfin pour moi en tout cas, par exemple, entre ce que je peux entendre et vivre chez Normiland et d'un autre côté, dans certains cadres de sociabilité politisée féministe. Il n'y a pas de contexte qui soit complètement safe, voilà, mais il y a de la nuance un peu là-dedans. Enfin bref. Donc, ce que décrit cette personne en termes de trucs oppressifs, en général, c'est pas super. Et même en ce qui concerne le sujet précis du polyamour, sex-positivité, tout ça, elle raconte des trucs qui sont un petit peu, malheureusement, des classiques de comment les relations non exclusives, sans aucune conscience du sexisme, des injonctions, des normes de genre, tout ça, ça peut être nul, nul, nul. Avec, bah oui, les couples, ils cherchent une autre meuf et ils vont essayer de la pousser à avoir de la sexualité lesbienne alors qu'elle est hétéra. Ils vont l'objectifier dans le cadre de leur désir à elle. Des mecs non exclusifs qui, en fait, ils sont dans une logique où ils sont les seuls à faire le pluripartenariat avec des meufs qui voient qu'eux et c'est maintenu par de la pression psychologique de leur part. Enfin, des trucs similaires sont décrits dans le bouquin La salope éthique, hein, des trucs ayant pour cible entre autres les meufs bi qui sont fétichisées du fait de leur orientation sexuelle. Et ça correspond à pas mal de vécus et d'expériences personnelles même. Enfin, tout ça pour dire que la non-exclusivité, c'est pas révolutionnaire en soi. Et que ça dépend de comment c'est fait. Et si par exemple, elle reproduit une emprise sur la sexualité des meufs et que c'est seulement Mister Relou, là, avec sa kick en bandoulière qui va faire des milliers de conquêtes sexuelles, entretenir une insécurité affective avec elle en prenant pas soin de ses relations, en fuyant la communication sous couvert de liberté et d'autonomie, et que par contre, pour se faire sucer la... Ben, là, il y a du monde. Et ben, peut-être on peut moyennement dire que ça remet les normes en question parce que plutôt ça renforce l'oppression sexiste. Et l'exploitation sexuelle des meufs, quoi. Voilà, youpi. Et d'un autre côté, la monogamie, si c'est un désir partagé, si c'est réfléchi, si ça procure du bien-être, si c'est les besoins, ça correspond aux besoins des deux partenaires, selon comment sont posées les modalités relationnelles, si elles sont discutées, tout ça, et ben, en fait, ça peut sortir de ce truc de propriété de l'autre, d'asservissement des meufs et compagnie. Même si forcément, oui, c'est beaucoup plus casse-gueule et faut avoir des partenaires pas trop nullos, quoi. Voilà. J'ajouterais que dans les relations, il y a d'autres zones d'oppression possibles que la sexualité, genre vraiment de nombreuses autres zones, malheureusement. Et donc, d'autres zones desquelles s'emparer qui sont pas forcément moins importantes. Et aussi se forcer à accepter des modalités relationnelles qui nous feraient souffrir parce qu'elles sont mieux éthiquement, eh ben peut-être c'est pas très féministe comme truc. Et voilà, on n'est pas obligé de niquer tout le monde pour avoir la radicalité politique. Ouh. Ah, c'est bien. Allez, on va toujours sur non-exclusivité. On va écouter un extrait de la brochure écrite par Corinne Monnet. Corinne Monnet, voilà, qui a vachement écrit sur ces thématiques, qui est un peu intéressante. On va s'accrocher. Allez, on s'accroche. À propos d'autonomie, d'amitié sexuelle et d'hétérosexualité. Corinne Monnet. C'est une brochure qui est sortie en 97, je crois. Et elle commence ce chapitre avec une citation de Lisa Bendal. Ouvrez les guillemets. La société dans laquelle nous vivons est un processus, et cela est vrai de toutes les sociétés, même de celles qui essayent de résister au changement. Une partie importante de la fonction du gouvernement consiste à tenter d'inhiber le processus de changement dans notre société. Mais le changement est possible et nécessaire. Il est en effet inévitable, quelle qu'en soit l'étendue que nous puissions présentement réaliser. Nous accroissons la viabilité de la révolution en vivant maintenant en accord avec les principes anarchistes et féministes, quelle que soit notre situation environnante. Vivre la révolution est, je crois, la phrase clé. Lisa Bendal. En guise d'introduction à ce texte, je souhaite éclaircir quelques points afin de ne pas avoir à revenir dessus tout au long. Ce texte est un texte personnel, dans le sens que j'y parle de ma façon de vivre, de mon féminisme et de mon anarchisme dans la sphère relationnelle et affective. Ce n'est heureusement pas la seule façon de les vivre. Ce texte doit donc être lu dans sa juste mesure, que je définirai comme un témoignage d'un vécu et d'une expérience de femme anarcha-féministe de 30 ans, blanche, RMiste et bisexuelle, à long passé strictement hétérosexuelle. D'autre part, ce texte ne portant que sur mon expérience dans le domaine du privé, il ne faudrait pas en déduire de manière abusive que ma lutte contre cette société se résumerait à cela. Combattre à ce niveau n'abolira malheureusement ni le pouvoir dans sa globalité, ni la domination, qu'elle soit celle de l'État ou celle de la classe sexuelle des hommes. Particulièrement au niveau du patriarcat, nous savons qu'il n'y a pas de solution individuelle des femmes à l'oppression, et je ne cesserai de rappeler l'importance de lutter, comme bien des féministes, pour un mouvement collectif autonome de femmes. Même si je n'en parlerai pas ici, ceci n'étant pas le sujet. Aussi, je ne confonds pas le pouvoir individuel que j'ai pu acquérir à mon niveau personnel et le pouvoir des femmes en tant que groupe social, comme le font nombre d'anarchistes, femmes et hommes, ce qui leur permet de nier la domination masculine dans son ampleur et de rendre les femmes seules responsables de leur situation comme si elles la choisissaient. Qu'il soit possible d'avoir une marge de manœuvre individuelle est une chose, nier le patriarcat en est une autre. S'il y a des changements que je peux faire moi-même, il reste une bien plus grande partie sur laquelle je ne peux rien faire. Finalement, je pourrais dire que ce texte porte sur ma marge personnelle de manœuvre, qui, si elle peut paraître assez étendue, me semble à moi-même bien limitée. Mais lorsque je considère que le personnel est politique, je dis d'une part que ce personnel est susceptible de changement, puisque non déterminé biologiquement, et d'autre part que le comportement affectif et sexuel est bien un comportement social. Autrement dit, le personnel fait partie de l'ordre politique que je souhaite changer. Dire que le personnel est politique n'est pas pour moi seulement dire que le politique influence le personnel, mais plutôt que les choix et pratiques de notre vie dite privée ont des significations politiques. Les rapports femmes-hommes sont politiques, qu'ils se déroulent dans la rue ou dans un lit, puisque d'une part ce sont les rapports sociaux de sexe structurés par la domination masculine qui construisent les humains en femmes et hommes, et que d'autre part, le pouvoir des uns ne disparaît pas à l'antre de l'affectif et du privé. Alors que ma lutte pour un changement dans les rapports sociaux de sexe est multidimensionnelle, il ne sera donc question ici que de la dimension personnelle et interactive. Dimension, faut-il le rappeler, nettement reléguée aux oubliettes par la plupart des anarchistes, pour ne pas parler des autres courants politiques. Le changement doit prendre place aussi bien au niveau des structures sociales que des interactions sociales et de l'individu. Ainsi, si ma façon de vivre, quelle qu'elle soit, ne sera jamais une solution à l'oppression patriarcale, je la considère comme faisant toutefois partie du combat. De mon point de vue, ce n'est qu'une déduction pratique du désir de vouloir agir sur la réalité sociale. La réalité privée étant essentiellement sociale, il va de soi que je désire aussi agir sur cette réalité-là. Et voilà, c'était donc un extrait de la brochure à propos d'autonomie, d'amitié sexuelle et d'hétérosexualité écrite par Corinne Monnet. C'est un peu marrant parce que l'autrice, elle décrit son cheminement vers la non-exclusivité et des formes relationnelles alternatives. Elle dit que c'est son anarchisme qui l'a amené là un petit peu. Et ça me parle, hein, ça me parle. Mais en même temps, personnellement, j'ai l'impression que c'est le fait de trouver absurde les normes en matière de relations et de sexualité qui a participé à mon cheminement politique et à mes réflexions sur les oppressions, sur le féminisme, sur les non-monogamies éthiques, tout ça. On pourrait revenir sur le terme de non-monogamie éthique d'ailleurs, parce que quand même, c'est un peu dépolitisé, c'est agaçant, parce que l'éthique, ça suffit pas, la révolution, c'est mieux, mais bref, passons. Donc, en gros, on pourrait considérer que, moi plutôt, je suis devenue anarchiste parce que je suis trop une chagasse. Voilà, à chacune son chemin vers l'émancipation. Si, dans une société où la contrainte à l'hétérosexualité sévit si fortement, c'est franchement difficile de penser choisir réellement une pratique hétérosexuelle, c'est pourtant ce que j'ose aujourd'hui affirmer. Attention toutefois à ne pas me faire dire ce que je ne dis pas. Je différencie bien entendu ce choix du choix lesbien. Et je crois d'ailleurs que politiser la catégorie hétérosexuelle pourrait permettre que les hétérosexuels s'interrogent plus sur leur pratique plutôt que de considérer si évidente qu'elle ne la nomme même pas. Et ça pourrait éviter bien des écueils lesbophobes, en particulier celui de dépolitiser la catégorie lesbienne en la considérant comme une simple préférence sexuelle. Quel plaisir de lire le texte de Stevie Jackson, récent débat sur l'hétérosexualité, une approche féministe matérialiste. Si j'avais pu en avoir la connaissance à l'époque de mon expérience déchirante, ça m'aurait évité quelques affres. Je renvoie donc à ce texte celle qui voudrait une approche plus poussée et plus théorique sur ce sujet. Stevie Jackson, bien que développant une perspective féministe matérialiste critique sur l'hétérosexualité, estime qu'elle doit être analysée comme une institution patriarcale, mais qu'il faut éviter d'associer l'institution avec la pratique et l'expérience de l'hétérosexualité. Elle part du concept de genre en tant que construction sociale produite par un système hiérarchique patriarcal, et le pose comme fondamental pour toute analyse de la sexualité. L'hétérosexualité est conçue comme hiérarchie des genres, et non seulement comme une construction normative du désir d'un sexe pour l'autre. Elle n'est pas uniquement fondée sur un lien entre genre et sexualité, mais sur l'appropriation du corps et du travail des femmes. Mais Stevie Jackson ne nie pas aux hétérosexuels la possibilité d'une autonomie d'action à l'intérieur d'un cadre patriarcal. Ce qui lui évite de considérer les femmes hétéros en termes de victimes ou de complices, comme bien d'autres l'ont fait. Si la structure de l'hétérosexualité est oppressive, les relations à l'intérieur peuvent varier. Stevie Jackson conclut son article sur la vigilance à accorder au fait que l'hétérosexualité et le lesbianisme sont des notions dont l'existence dépend directement de la hiérarchie de genre. Et elle me semble aussi remettre les choses à leur place en disant que la sexualité n'est pas le seul terrain de lutte contre cette hiérarchie, de même que la sexualité n'est pas la seule base de la subordination des femmes. Bon, c'est bien beau tout ça, mais il y a le revers de la médaille qui n'est pas des moindres, c'est que pour vivre cette pratique féministe de l'hétérosexualité, il nous faut trouver des hommes non seulement prêts à s'embarquer pour des contrées si dangereuses pour eux, mais prêts aussi à participer activement à la création de cette relation où nous avons tant à déconstruire et à inventer. Quand, de surcroît, on pense que la non-monogamie responsable et l'amitié sexuelle font partie intégrante de cette pratique hétérosexuelle féministe, ça ne simplifie rien. Mais je laisse la simplicité, la facilité et la sécurité à ces scénarios fixés et à ces chemins tout tracés par le patriarcat. La rareté de ces hommes peut poser à nouveau un problème de dépendance. Même si je reste prudente à ce propos, mon expérience m'a montré que si l'on est sorti de la dépendance générale des hommes, que si nous sommes matériellement et psychiquement indépendants d'eux, il me semble difficile de tomber dans cette dépendance particulière pour peu qu'on ne s'en défende pas trop a priori et qu'on y fasse attention. Il est malheureusement plus facile de rencontrer des hommes qui se disent antisexistes ou proféministes que des hommes avec qui on peut vivre une relation de sujet à sujet. Parce que cela nécessite, et que nous puissions l'être, et qu'il le soit aussi, à la lumière des redéfinitions de l'autonomie et de l'indépendance que j'ai pu esquisser dans ce texte. Alors, voilà, c'était donc Corinne Monnet. Tiens, on va faire une petite pause musicale maintenant. On va s'écouter Cats and Jammer avec Hey Ho on the Devil's Back. As I was walking in the tired, let me carry you a while. Hey! and the leaves. Hey ho, laying by the trees. Beside my darling loved one and children oh so sweet. Hey ho, my children oh so sweet. C'était donc Cats and Jammer avec Hey Ho on the Devil's Back. Voilà. On va reprendre, on va parler un petit peu de l'accessibilité des formes relationnelles et des pratiques hors normes. Alors, parce que n'empêche, la non-exclusivité, la remise en question de l'hétérosexualité patriarcale, tout ça, ça met en avant un problème d'accessibilité de tout ça. Pas seulement celui statistique de la faible quantité de types avec lesquels c'est envisageable de relationner, hein, comme peut l'évoquer Corinne Monnet. Mais déjà, c'est un peu fatigant, tout ça. Parce que moi j'ai plus l'âge hein, d'avoir plusieurs relations amoureuses investies en même temps, par exemple. Genre la flemme. Surtout si c'est avec des mecs cis, en fait, comme ça a pu être le cas pendant... Enfin, voilà. Non, la fatigue. Et voilà, pour des raisons personnelles, variées, structurelles, tout ça, la fatigue. Et, mais tout comme j'ai pas l'énergie d'avoir 50 relations amicales de grande proximité, de bien m'en occuper, avec des modalités qui me conviennent, tout ça, hein. C'est personnel, mais quand même, le fait d'avoir certains soucis très en rapport avec l'appartenance à certaines catégories sociales, de vivre certaines oppressions, ça peut limiter l'énergie qu'on a à mettre dans les relations, tout ça. À ce point de l'émission, je me rends compte que la distinction nette entre les relations amicales et amoureuses, eh bien, c'est chiant. Et des fois, je mélange allègrement les deux, mais enfin voilà, j'aime bien cette confusion, je suis en accord avec, peut-être c'est un peu le bordel, voilà. Désolée. Bref. La non-exclusivité, ça peut être peu accessible si on n'a pas le temps, l'énergie, la capacité, pour diverses raisons. Et tout ça, ça peut évoquer aussi une perception des sexualités dites déviantes, comme étant un truc de gros bourge. Parce que, entre autres, les personnes qui appartiennent pas à des classes sociales élevées, elles ont moins le loisir de ne pas se conformer, du fait de la précarité de leur statut social, de l'insécurité qui peut menacer leurs valeurs sociales, tout ça. Les personnes des classes supérieures qui détiennent le pouvoir économique et symbolique, eh ben elles ont moyen d'être plus souples sans craindre la sanction sociale parce que c'est un peu elles qui dictent qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'elles ont droit, tout ça. Oui, surtout les types, hein, voilà, les types qui vont complètement échapper au stigmate social. Mais les meufs, par exemple, hein, voilà, si matériellement c'est le confort, elles vont avoir un accès plus facile à, je sais pas, par exemple, aller loin de chez elles en vacances pour faire la fête du sexe, voilà, faire garder leurs gosses pour être peinardes, hein, voilà, avoir plein de temps, tout ça. Et pour mieux saisir les dynamiques, le rapport classe et conformité aux normes en matière de relations et de féminité aussi, je recommande la lecture de Beverly Skeggs avec le bouquin « Des femmes respectables ». Et elle va expliquer entre autres comment les meufs des classes populaires capitalisent sur leur conformité à des formes conventionnelles de féminité et de comportement sexuel. Ce bouquin est vraiment extrêmement merveilleux. Beverly Skeggs, « Des femmes respectables ». Voilà. Tout ça, ça évoque aussi le fait que les meufs, elles doivent être plus conformes en matière de sexualité parce que leur statut les fragilise par ailleurs. Elles peuvent pas se permettre d'apparaître comme à part, ça les met dans une position de vulnérabilité, alors que les hommes qui se distinguent sexuellement, ils vont être admirés et valorisés pour ça. Un exemple qui peut illustrer un peu le deux poids, deux mesures comme ça entre les meufs et les types, un truc léger quoi, mais j'ai entendu dans la vraie vie plein de fois, dans des contextes de sociabilité, on sait pas, bref, on s'en fout, j'ai entendu une utilisation positive du terme salope appliqué à des types. Donc, et pour désigner un type qui avait une vie sexuelle libre, des pratiques variées, de nombreuses partenaires, qui aiment joyeusement le sexe, quoi, voilà. Et cette utilisation tendait à invisibiliser le fait que les connotations du terme, elles sont pas du tout symétriques selon l'identité de genre de la personne qui est salope, quoi. Les hommes hétéros qui se proclament ou sont proclamés salopes, ils sont pas du tout stigmatisés, en fait. Ça décrit que leur comportement sexuel, et encore parfois seulement au niveau des pratiques sexuelles précises, et donc pas le comportement qu'il y a autour, pas la séduction, le nombre de partenaires, la fréquence, etc. Et en fait, dans l'utilisation que j'ai entendue, ça voulait simplement dire qu'un homme aime le sexe et le fait bien. Waouh, comme c'est stigmatisant pour lui. Et c'est tout à fait différent d'une utilisation sur des meufs, et c'est encore tout à fait différent de la réappropriation et de la revendication de ce même mot par des meufs dans des contextes militants, par exemple. Hein, ça n'a rien à voir. Mais en gros, bon, on pourrait dire que la féminité, elle est valorisée en se conformant, et la masculinité en se distinguant. Voilà. Ouh, des grandes phrases. Bon, après avoir dit tout ça, reste que la non-exclusivité, c'est pas encore non plus accepté au point de faire sourciller personne. Que du fait de leur sexualité plus soumise au regard et contrôle social, les meufs qui sont pas monogames, elles ramassent quand même comme il faut. Plus sournoisement qu'avant, peut-être, mais quand même, hein, on peut fréquenter des milieux sociaux dans lesquels c'est plus accepté. Mais même dans des cas comme ça, le fait de pas être monogame, ça peut être retourné contre une meuf pour remettre en question quelque part sa bonne moralité, tout ça. Ouais. Et même quand des milieux salope friendly existent, c'est une sociabilité restreinte et qui n'empêche pas les conséquences désagréables apportées par le reste du monde de nous toucher. Et en plus, la sexualité des meufs, elle peut être rattrapée par les normes insidieusement à travers les comportements de partenaires masculins, les pressions sociales. Mais ensuite, la conscience de tout ça, le point de vue féministe, la connaissance de ses propres désirs, ça permet quand même une émancipation des pressions sociales et de se vautrer dans un stupre et une luxure politiquement cohérent. Et la cohérence, moi, ça m'excite. Allez, on se retrouve le mois prochain, troisième lundi du mois à 20h30. Je crois que ce sera le 21 mars. Je suis pas sûre. Bref, le troisième lundi de mars. Je vous laisse avec un son qui subvertit les normes genrées en matière d'implication sentimentale et émotionnelle dans la séduction et le sexe. Bisous. Sexiest lips. The way that she strides reveals her perfect hips. She's really. Depuis des heures, et moi je pars dans un quart d'heure. Je dois prendre l'avion, je rentre à New York. So, why don't we just fuck? Just fuck.